c'est Rail Suprême sur Skyrock. Allez, let's go. Rail Suprême. DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? برقاني كثير انا

bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. DJ Case au platine. Minuit 2h. Dans Rail Suprême. Sur Skyrock.

débrouillard, plus tout jeune, un gosse du rachet de système. Beurre est conscient de son potentiel en France. Si facile se retrouver au Hebs, Halafi, on trempe dans des coups de trafic. Je suis toujours un petit reflet, toujours à l'affût, vicieux d'El Spa. La débrouillard d'Istar, ça, c'est le coup de griffe, rachet de système. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois c'est fatal, ça semble interminable comme les Tifada. Avec les moyens du port dans tous les domaines, on a la hache, t'as les draps bientôt. Et je suis entouré ouvert aux critiques, photos. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien ne le vaut. C'est la hache de système, gros. Je suis même. regarde-moi. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. I'm

doué. On va coller la coupe. Il n'est pas doué. Allez coller la coupe. Il n'est pas doué. Coller la coupe. Chez Rock Supreme. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. C'est mon malin. Et ouais mon gars on est hal, un frère est tombé sous les balles. Et ouais mon gars on est hal, quand ton taf c'est illégal. T'es critique mais t'en es où j'pense, mon but c'est de quitter la France. À l'hôtel tu me fais des manières, mais tes vices ne datent pas d'hier. Encore une proie qui va succomber, t'es en plein divorce j'suis là pour combler. Quand tu l'as quitté ton cœur est tombé, mais c'est normal car il t'a trompé. Viens pas me prendre la tête, tes histoires font mal à la tête. Viens pas me faire mal à la tête, quand tu bois tu tapes de la cesse. La la la la la la la la la la la la la. Souris-moi, ça ne tue pas. Tu sors de Paname ou Calcutta. Tu sors de Marseille ou de Bombay. Y'en a marre de se faire la guerre. Combien de frères sont tombés? Ça m'en a marre, viens prendre un verre. Des fois je m'isole, je suis dans un film. J'ai l'impression de jouer un rôle. J'ai peut-être fait le gangster dans mes clips. Mais c'est bien loin de ce que je prône. On est dans le partage, on est fédérateur. C'est beaucoup mieux que de faire l'acteur. Y'a pas de critères de foi, de couleur. Rejoins-nous, quel que soit ton secteur. Bye.

rafale de AK pour l'allumer. Minuit, 2h, c'est Rail Suprême sur Skyrock. General KLH, je peux te saluer. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'y reparle, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que je les maintienne à pour les rouges, préfère rouler ma peau. J'suis marié à la frite. La vie est plus belle à deux. Mais qu'à Irma Dinina, y'a elle. Le gros, y'a nous et y'a eux. J'me sens, y'a eux, j'me sens. Baby, comment pédance tout me. Fun à fond, fun to date. Round and round, fais mettre ce train. Just do my thing. Rail Suprême, minuit, 2h. DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. Skyrock. Yeah.

faut que je la pète, donc je vais pas trop teaser. J'y vais, je me calme, je vais pas trottiner. Je fais genre attitude, merde, doigt de Queenie. Je fais tour des maquerelles et je me renseigne sur elle. Si ça devient réel, les scènes sont censurées. Monsieur, calmez-vous, pas le temps pour les querelles. Tout concurrent sera éliminé. Elle fait mal, sexy, élégant girl, pour elle c'est normal. Son charme fait de nous des sauts. Pas de sa taille, elle sait comment mener les hommes, pour elle c'est normal. Cette femme, elle vaut des villes et des sangs. Cette go me rend fou. T'as vu le boule qu'elle a. Cette go me rend fou. تيا ماشي بحالهم my baby girl. تيا ماشي بحالهم my baby girl. Passe de bonnes vacances. ماشي بحالهم تيا ماشي بحالهم ويلي ماشي بحالهم ماشي بحالهم ناري ماشي بحالهم ماشي بحالهم انتي يا بيبي ماشي بحالهم. هدرت الناس جابت لينا حرق الراس احنا احلامنا ماشي احلامهم عمرنا ما كنا بحالهم. كلامهم قرطاس وانا معاك ديما لاباس احنا يا غادي نسدو فامهم ربي حاسبنا وممالهم. انا قلبي فيه فيبريشن حبك مكاين فتاشينيشن ويلي شهد الايموشن حبك اللي كاين ومكاين ما احسن. تيا ماشي بحالهم my baby girl. تيا ماشي بحالهم my baby girl. كبير مسيا ماشي بحالهم غضضيضي ماشي بحالهم عمري تيا ماشي بحالهم ويلي ماشي بحالهم هاي ماشي بحالهم ناري ماشي بحالهم ماشي بحالهم انتي يا بيبي ماشي بحالهم. Suprême. Minuit, 2h, DJ Kaste ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Tu connais le phénomène, ça rend toujours l'élégant. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, moi je sens bien dans mon corps. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît je te dérange. On s'enjaille sur tes DJ Kaste. À fond dans la caisse, à fond dans la tête. Télécharge sur ton tel, toi t'es plus le même. J'crois t'es fou d'elle. Les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses, nous. Fais lever la foule, bouge ton bassin, tourne l'épaule. C'est comme ça chez nous, je te donnerai bien mon phone. Mais ton père me regarde chelou. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez. Pas que ça perd, moi. Allez. Je crois que je vais m'en aller, moi. Allez. Salam. Allez. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main, carré sous les palmiers. Danse, vas-y, danse, moi je kiffe. Sors ta plus belle robe, tes talons, fais la gif. On me dit, danse, vas-y, danse, moi je kiffe. N'écoute pas les gens, oui, c'est bon, t'es taïf. J'suis pas Ronaldo, j'ai pas de Lamborghini. J't'invite au McDo, c'est des gentils, t'as la bimine. Non, bébé, je rigole, fais pas ta timide. J'aime trop quand tu m'ignores, j'adore quand tu souris. Me fais pas croire que t'es fatigué. Qu'ils sont platines.

grise, ma belle, fais un signe au serveur, tous nos verres sont vides, vides, vides. Au réveil à 15h, ça où je t'ai pas rappelé, mais personne te valide, lit, lit. T'as kiffé la serveuse, t'as pas laissé de pourboire, car tes poches sont vides, vides, vides. Je me barre d'ici, j'ai pas le temps de parler, désolé, je suis speed, speed, speed. Tu fais pitié, fais pas la resta. La soirée est naze, désolé on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des filtres comme sur Insta. Tu fais pitié, fais pas la resta. La soirée est naze, désolé on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des filtres comme sur Insta. Benga, benga, baila. Benga, benga, baila. Benga, benga, baila. Benga, benga, baila. Habillé chez des grands couturiers. Jeter les clés aux voitures, yeah. Pour boire des anglais. Danse de voyous, danse de guerriers. Là tout de suite il me faut un million. Un petit massage avec finition. Quand on arrive ça sent la corruption. Je roule en hybride, je fais pas de pollution. Je lève mon verre aux absents. Rail suprême, minuit, 16h. DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Faut tous mes bateaux en prison. Les sacs vides tombent dans le coffre. Dans le club, dans le bloc. On s'adapte à l'époque. Partage la cagnotte, on sirote le sirop. Baby, t'es mon copilote. Gauche, droite, salsa ou rail. On t'apprend la danse des voyous. Brave les dangers, faut que les représailles. Ça, c'est la danse des voyous. La rue nous colle à la peau. On va finir par se décimer. J'ai mon cigare, mon chapeau. Je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça, c'est la danse des voyous. On t'apprend la danse des voyous. Vas-y, danse comme un voyou. Pour être sage, il est prêt à mourir de faim. Il est dans le gay. Elle ne porte que Chanel, Hermès et Louis Vuitton. Elle est dans le gay. Dans le gay. Je suis dans le gay. Oh maman, je suis dans le gay. J'ai passé ma vie à faire du sale. Maman m'a dit faut que tu te calmes. Même mon bateau c'est illégal. Ceux qui ne voient jamais à table se régalent. C'est à moi, mais t'égales. Chaque matin, je me lève comme une bécane. Je ressens de la gêne quand on m'acclame. T'as l'âge de ma carrière et tu t'enflammes. T'inquiète, bébé, je vais pas te faire de mal. ROH de ZF, c'est parler aux femmes. Un dernier hold up, on se fait la malle. Mon ennemi n'est autre que mon meilleur fan. Dès que je mets les pieds dehors, je suis dans le game. Soit tu restes au point mort, ou bienvenue dans le game. Pour être soi guidé. Y'a que des mythos mais qui fréquentent. Nos gamos sont pas loués. Les becs sont cloués. T'es gonflé comme un arbre mais t'as pas une feuille. Tu payes ta peine, c'est à l'œil. Elle parle comme une Kyra, la petite a tout gâté. 9 sur 10 sur Insta, en vrai zéro pointé. Ramène toutes tes cops pour nous ambiancer. Respecte le boss, l'homme de la soirée. On se texte à la même table, on est rempli de vis. Elle veut plus qu'un selfie, plus que de faire la bise. Dès que je mets les pieds dehors, je suis dans le game. Toi tu restes au point mort. Bienvenue dans le game. Pour être soi qu'il est prêt à mourir de faim. Il est dans le game. Elle ne porte que Chanel, Hermès et Louis Vuitton. Elle est dans le game. Dans le game. Je suis dans le game. Je suis dans le game. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, je souris au gardien. Ego, y'a mon clé dans l'arène. S'ils sont retournés comme papin. J'parle pas trop, j'me fous du rappeur. J'négo, s'il t'a romade. Tes rappeurs, c'est tous des tapins. Ils se passent tous la pommade. Toute ma vie, j'l'ai ramé dans les ténèbres. J'me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Peu demande à mes l'état, m'envoie tes lettres. Mougli n'aime pas qu'on lui dise tes célèbres. Chaque jour c'est la même, c'est le bif qui me fait frissonner. Né, pas honte de l'armée, c'est pété, moi j'en pissonné. Né, dans la jungle, tu sauvages, un gros âge pour m'isoler. Le grosse tasse qui déboule sur mon arbre, je les prends en le. J'tacle à la gorge comme un pipi, elle ou la pum. Dis à ton pote dans la street, c'est la mort ou la pipi. Choisis ton camp, mes pélé, coca ou ça tire. Joue pas le thug avec ta meuf, on sait, tu fais le ti. J'suis de l'époque la CK, j'm'entraîne à frapper comme Sagat. Sagat, Sagat, Sagat, Sagat, Sagat, Sagat, Sagat.

DJ K sur Skyrock. Skyrock.